Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89A. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On rejoint Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Et on parle thé avec Xavier. On a aussi une nouvelle sportive de Nicolas Ducharme dans Ducharme et du sport. Assemblage requis commence et ou coule maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 23 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Et quel mauvais matin pour tout le monde. Quel mauvais matin, effectivement. Ah, c'est la pire journée de l'année en termes de température et de vent et de pluie. Hey, ouais, sincèrement, pour les gens qui prennent la route, partez peut-être un peu plus de bonne heure aussi. C'est vraiment pas beau, c'est extrêmement venteux. Écoute, moi, j'avais de la neige chez nous ce matin à Trois-Rivières. Ah ouais. S'il n'y en avait pas. Non, j'en ai pas vu. Mais bref, c'est sûr que ça va fondre, là, mais en tout cas. Ça a réveillé bien des gens dans la nuit, ce vent-là qui frappait contre les murs. Et toi, non seulement il ventait, il pleuvait ce matin, mais là, en plus, t'as appris que ta maison n'est pas capable de soutenir ça. T'sais? Ouais, c'est ce que j'ai appris par téléphone. Là. Ça coule un peu en dedans. Donc, tu sais, un beau matin. Là. Ben un beau ouais. Matin comme on les aime. Là. Ça commence bien. Pardon, excusez-moi. Oh! On est en train de perdre Mathieu Plante. Pardon, je pense qu'il arrive. Oh, il est revenu. Wow. Qu'est-ce que je disais? Oui, que c'est le dernier lundi de la session pour nous. Oui, tout à fait. Oui, donc dernière semaine des quotidiennes. On va s'amuser, on va avoir plein de plaisir, même si on a l'air d'être en février, comme Vincent Vallière l'a chanté juste devant nous. Je sais pas si c'est un addon, un drôle d'addon, tout ça. Ouais, ouais, je sais pas. Hein, Vincent Vallière. C'est ça. Donc, on vous parlera des plans pour la semaine prochaine et pour l'été, tout au courant de cette dernière semaine de la session. On va débuter ça. En fait, non, je vais vous dire le plan d'émission d'aujourd'hui. Hein, mon étouffement chronique m'a empêché de vous dire ce qui s'en revenait. On aura Kiwan en cavale à 7h15 avec sa chronique en direct de l'Alberta, chronique de musique canadienne. Il nous parle de Paper Beat Scissors, Catherine Calder et Japan Droids. Je sais que Japan Droids, c'est un de ses groupes préférés, parce qu'il aime beaucoup. On aura aussi la chronique de Xavier Antoir, Tais-toi et cuisine, à 8h. Il va nous faire goûter. En tout cas, il est supposé nous apporter des lattés glacés. Du latté glacé. Mais en fin de compte, ce matin, j'aurais bien pris un thé chaud. Oui. Très, très chaud. On gèle. Si Xavier, tu nous entends. Ah non, mais sûrement qu'il l'a déjà préparé en ouais, plus. C'est fait ça. Que, écoute, c'est pas grave. Voilà. On va le boire avec plein d'entrain. Et puis, en fin d'émission, qu'est-ce qu'on a à 8h30, François? On reçoit Nicolas Ducharme qui nous parle de sport. Il va nous parler des séries éliminatoires au hockey, donc, qui fait très bien aujourd'hui, hein, avec la slotch qui nous tombe dessus. Oui. ça va être beaucoup de surprises, d'ailleurs, dans les séries éliminatoires cette année. Oui? Ouais, ah ben. Ah ben. Eh ben. On aura peut-être des surprises pour nos chroniqueurs aussi. Je sais pas si tu as préparé quelque chose, François, pour nos chroniqueurs cette semaine. Ben, écoute, un petit poème, là. Ah, un poème. Souvent, ben, écoute, peut-être juste une petite phrase qui va les remercier tout en incluant leur sujet ou oblique, ce qu'ils font dans la vie. Donc, OK, bon. Ça sera pas long. Non, mettez pas la barre trop haute. Non, ça, tout à fait. Pas la barre trop haute. On va débuter en musique par contre avec Audionaut, la formation locale. On écoute leur nouvel extrait du palmarès franco. Voici Polygraphe sur C'est Fou 89 FM. Bonne émission, bonne semaine, bonne pluie. Sortez la parapluie. Ben ouais. Vos petits coups de vent comme moi. Tu récites encore. Au polygraphe, tu l'emportes. Salut Leclerc et partir ensemble à Assemblage requis. Hein? Partir ensemble à requis. Ensemble. Ouais. Non. Oh. Hey, cette dernière semaine pour tout le monde, là, hein? Tout à fait. C'est ça. Justement, parlant de dernière semaine, je pense que ce serait le temps de peut-être mettre du pétrole ou du. C'est sûrement peut-être du diesel. Ouais. Dans ce camion-là. On va aller chercher Kiwan en cavale. Salut Kiwan. Bonjour. Bon matin. Ça va? Ça va bien. Ça va toi? Oui, papi. Oui, très bien. Ici, en tout cas, il fait pas beau. Ah, ben, ici, je veux pas trop vous écœurer avec ça, parce que j'ai déjà écœuré François un peu plus tôt, mais il annonce 30 degrés, si il y avait du gros soleil. 30 degrés, nous, on est complètement submergés avec nos swim-aids. pour marcher dans la rue. Eh hey boy, puis je pense qu'ici, il annonce quand même la pluie pour un bon petit bout là, jusqu'à demain, certainement. De mardi. Voilà. Bref, Je penserai à vous en me mettant de la crème solaire aujourd'hui. Très bien. Donc, cessons le bulletin météo, Kiwan, qui nous présente pour une dernière fois cette année ses trois groupes de la semaine. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter trois groupes complètement différents là, qui allaient résumer un peu les différents styles de musique qu'on entend un peu partout dans le Canada. Ça date de différentes époques en même temps. Là, c'est pas toutes des nouveautés. Mais je commence avec Catherine Calder. Je sais pas si vous reconnaissez son nom. Non, du tout. Non, moi ça me dit. Mais vous allez reconnaître sa voix, c'est sûr, parce qu'en fait, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue. C'est la voix féminine dans le groupe The New Pornographers. Oh, pour vrai, je l'adore. Elle est super bonne, cette fille-là, pour vrai. Oui, je ne savais pas, mais avant d'être dans le groupe New Pornographers, parce qu'en fait, elle n'est pas dans le groupe depuis le début, depuis la formation du groupe. Elle s'est joint en cours de route au New Pornographers. Avant ça, elle avait son propre groupe. Qui s'appelait Immaculate Machine, qui avait commencé au début des années 2000, là, qui n'a pas eu un très, très grand succès, mais que j'aime quand même. Là, j'ai écouté un peu le son de son ancien groupe, et c'était très bon. Et puis, depuis quelques années, elle fait des albums solo aussi, comme presque tous les groupes, en fait, comme tous les membres, en fait, du groupe The New Pornographers, qui ont presque tous des projets solo ou parallèles. Donc, elle a son projet solo. avec ses albums qui est sorti. En fait, le dernier album qui est sorti en octobre 2011, donc c'est l'automne dernier. L'album s'appelle Bright and Vivid. Et moi, je vous suggère d'aller entendre la pièce Write Book de Catherine Calder. Et vous allez voir, dans le style, là, c'est totalement différent. Vous allez reconnaître la voix, mais sinon, là, le style de musique, c'est complètement différent de New Pornographers. Ça me faisait penser un peu à Bad for Lashes ou même des fois à Luckily. Donc, okay. Totalement différent de New Pornographers. Mm-hmm. Ensuite, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on est toujours là. On réagit peut-être pas autant qu'on devrait, mais on est là. J'avais peur de vous avoir perdu là, avec votre mauvaise météo. Oui, avec le vent nous apportera quelque part. Là. Nous emmènera. Donc, ensuite, deuxième groupe dont je vais vous parler, Paper Beat Scissors, qui est un groupe de Vancouver également. Je crois. Je suis tellement pas organisé aujourd'hui, les gars, je m'excuse. Je suis comme troublé aujourd'hui. Ça doit être la journée d'élection aujourd'hui en Alberta. C'est une journée qui va peut-être être historique. Là. C'est une drôle de journée aujourd'hui. On raconte un peu, non? Okay. Petite parenthèse politique comme ça. Mm-hmm. Je sais pas si vous connaissez un peu. Je pense qu'en général, là, quand on vit à quelque part, on souffre pas mal de la politique provinciale des autres provinces. En tout cas, ça a toujours été mon cas. Puis c'est ça, aujourd'hui, c'est une journée qui pourrait être historique en Alberta, en fait, pour les élections provinciales, parce que ça fait 40 ans qu'ici en Alberta, que c'est le même gouvernement qui est au pouvoir, le même parti, en fait, qui est au pouvoir, le Parti progressiste conservateur, qui n'a rien à voir là, avec les conservateurs fédéraux, là, qu'on associe à Stephen Harper, qu'on associe à Alberta parce qu'il est député ici, mais bref, ça n'a vraiment rien à voir. Et ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir, puis ils sont le parti de droite là, officiellement dans le paysage politique. Ils sont plus, je dirais, de centre, de centre-droite. Quarantaine non-stop, là. Ouais, 40 ans non-stop. Tabarouette, hein? C'est quand même long. Les gens sont très ancrés dans leur tradition. Et c'est ça, les gens sont très conservateurs, très dans leur tradition conservatrice. Et là, justement, dans les dernières années, il y avait les gens qui représentent vraiment la droite, la vraie droite, qui sont très conservateurs. Je trouvais que le Parti progressiste conservateur n'était pas assez conservateur. Okay. Parce que, j'avoue, dans les dernières années, ils ont eu beaucoup de programmes sociaux, en fait, un genre de petit virage vers la gauche, là, sans dire qu'ils sont devenus communistes. Là, ils ont bifurqué. Oui, c'est ça, ils sont allés un peu de plus en plus vers le centre, puis ça a créé un genre de mouvement de protestation qui a vu naître le parti Wild Rose, ici, qui est vraiment le parti de droite. Et puis là, je suis en train de regarder des sondages. Excusez-moi si je fais d'autres choses dans le temps, j'ai comme été bouleversé par un sondage qui mettait le Wild Rose en avance. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver avec un parti extrême de droite là, qui a vraiment des. Qui a fait entre autres couler l'encre dans la campagne électorale pour des raisons assez douteuses, là, comme entre autres des candidats qui avaient des blogs homophobes ou racistes ou des trucs du genre. Ouais. C'est la vraie droite là, qui représente le Wild Rose Party. Et puis là, ben oui, mon Dieu, je viens de voir qu'il serait en avance. Il serait favorisé pour gagner présentement. On va savoir ça aujourd'hui. Quand même, est-ce que tu as le droit de vote, toi? Oui, il faut être résident depuis 6 mois ici. Donc, OK, c'est fait, j'ai toi. Ce droit. Mm-hmm. Est-ce que tu vas quitter si jamais ça passe? Non, à moins qu'il y ait une guerre civile, non, je ne penserais pas. D'accord. Mais bref. Bon. Fin de la parenthèse politique. Donc, Paper Beat Scissors, j'en reviens à mon deuxième groupe. Ils ont sorti un album éponyme il y a à peu près un mois, là, c'est le 6 mars 2012. Et ça me fait penser un peu à un style un peu plus tranquille que Catherine Calder. C'est assez folk, en fait. Des fois, souvent, c'est juste voix guitare. Ça me fait penser beaucoup à Bon Iver, en fait. Okay. Que vous aimez, j'imagine. Oh, tout à fait. Et on va écouter la pièce Be Patient. OK. De Paper Beat Scissors. Et finalement, Mathieu, t'en as parlé un peu dans l'introduction. Jeff and Droids, c'est un groupe, c'est un de mes groupes préférés. C'est le groupe qui a probablement fait la tournée la plus longue avec un album de 8 pièces. Parce qu'en fait, ils ont seulement un album officiel en Jeff and Droids. Ça fait quand même assez longtemps qu'ils existent. Ils ont fait une tournée qui a duré à peu près 5 ans, qu'ils ont dû faire à peu près 1000 spectacles. Mais ils ont quand même juste un seul album avec 8 pièces dessus. Okay. Ils roulaient avec ça depuis très très longtemps. Et là, ils viennent d'annoncer, enfin, après tant d'années d'attente, que leur prochain album va être lancé le 5 juin prochain. Donc, dans à peu près un mois et demi, ça va s'appeler Celebration Rock. Et il y a déjà un extrait qui est disponible que vous pouvez écouter sur plein de plateformes là, ou même télécharger aussi. Même, il est disponible en version single sur iTunes. La pièce s'appelle « The House That Heaven Built ». Et c'est très, très, très fidèle au son de Jay Pendroid. Il n'y a aucun changement de cap pour le son de Jay Pendroid. C'est très fidèle à ce qu'on fait. C'est un rock toujours très solide et très sale, comme je l'aime, comme les gars de Jay Pendroid sont capables de le faire. C'est vraiment un groupe à voir en spectacle. Ils sont juste deux. Pour ceux qui ne connaissent pas Jay Pendroid, c'est un duo. C'est guitare, drum, et les deux membres du groupe chantent. Ça me fait un peu penser ils ont plusieurs points en commun avec Ben de Garage au Québec. Mais ouais, c'est très, très solide. Si vous avez la chance de les voir, ils vont être ils continuent encore leur tournée. Là, j'ai regardé leur site internet, il y a à peu près 200 dates d'annoncer là, dans les prochains mois. Donc c'est sûr qu'ils vont passer pas loin de chez vous à l'année. Parfait. On va l'entendre les trois pièces tantôt. Avant ça, par contre, on doit se dire que c'était ta dernière chronique pour l'instant. Tu ne seras pas avec nous cet été. Non, c'est ça, je pourrais pas être avec vous cet été. Là, ça ne fit pas trop avec mon horaire de travail là, à 14h de l'après-midi. Mm-hmm. Mais on se retrouve l'automne prochain, j'espère. Ben, j'espère, c'est sûr. T'as-tu des plans pour l'été? Est-ce que tu reviens au Québec? Est-ce que tu... je sais pas. Je pense pas pouvoir prendre de vacances cet été. Peut-être à l'automne, ou sinon ça va aller aux fêtes. Et puis, pour l'été, là, j'ai un déménagement prévu dans les prochaines semaines, mois. Pour toi, tu déménages? Je déménage à Calgary, dans la grande ville. Ah! Enfin. Au revoir, Medicine Hat. Oui, au Yab. Au Yab, le chapeau médicamenté. Mais je vais peut-être m'ennuyer de la météo quand même, de Medicine Hat. Formidable. Hey, Kiwan, écoute, j'ai écrit une petite phrase là, pour chacun des chroniqueurs. Là. Écoute, je te dis pas que c'est excellent. Loin de là, même. Écoute, ça va comme ceci. Kiwan, le camionneur, transporteur de bonheur, merci d'être venu décharger ta cargaison à Assemblage Rick. Wow, j'adore ça. C'est vraiment très bon. Wow. Hey, on a un poète ici. Ah, c'est fou. Écoute, il en reste deux autres en plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pauvre Mathieu. Bonne chance pour l'imagination. Merci, Kiwan, pour vrai. Merci. Ben, merci à vous. À cet automne. Merci à François pour ton beau poème. Oui. Ça vient du cœur. Ça, c'est beau. Ça va jouer, ça s'en vient. Non, ça commence jusqu'à des chic. Ah, t'entends pas? Ouais, je les entends. Chic. Something's hands are yours, blinding eyes bouncing off the sand I was paid for. Look behind you and I'm not there when you get too close, you're thin out the air. I was over my head when you look at me as if you've never seen the wheels come off. It's cardboard filling spaces in the road. It's a lifeless life with no fixed address to give. But you're not mine to die for anymore, so I must live. Born of a bottle from heaven's hand, and now you know, and here I am. The House That Heaven Built par Japan Droids sur l'album Celebration Rock qui sort le 5 juin prochain. Avant ça, on a entendu toujours dans le bloc Kiwa en cavale, Kiwa en liberté, Paper Beat Scissors, avec Be Patient, débuté avec Catherine Calder et Right Book. Voilà pour les trois pièces de cette dernière chronique de la session pour Kiwan. Trois excellentes pièces, d'ailleurs. Mais on merci, le retrouve Kiwan. À l'automne. Oui, merci. Et puis, passe un bel été, Kiwan. Oui, tout à fait. On y a dit en vrai, mais on le répète. Nous, on prend une petite pause et on vient avec la chronique CNX. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. François qui vient de se péter quelque chose contre Genou. Le genou contre la table. Comment t'as fait ça? Je sais pas, j'ai essayé d'avancer ma chaise. Peut-être s'il n'y a pas trois chaises du même côté de la table, ça pourrait aider. Ça pourrait aider, ouais, tout à fait. Chaque fois que je l'enlève, il y a tout le temps quelqu'un qui remet là. C'est pas. Fatigant. C'est fatigant. On dirait qu'il bouge tout seul. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est vous ce qui est fatigué aussi? Non. C'est des fois les ordinateurs. Tu sais qu'il faut leur démarrer, mettons. Ouais. Et Windows. C'est la chronique CNX. Chronique CNX de ce lundi matin, donc on n'a pas eu de chronique depuis jeudi, ça veut dire qu'on fait les nouvelles le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis c'est pas mal ça, je pense. Ouais. C'est assez ça? Ouais, c'est assez. Allons-y avec des avancées technologiques. Okay. Federico Siret, qui est un étudiant au doctorat en informatique à l'Université de l'Arizona. Tu me suis jusque-là? Ouais. Il vient de développer une technique qui permet de prévoir, avec une probabilité de succès de 80%, que la personne qu'on observe est sur le point de commettre une erreur. Des sujets tentent de répondre à l'examen de mathématiques standardisé qui fait partie des SAT, les tests d'aptitude, les examens nationaux qui servent aux universités à classifier les finissants de secondaire lors du processus d'admission. Pendant qu'ils travaillent, les sujets sont soumis à un électroencéphalogramme qui permet de calculer leur niveau d'attention, l'intensité de leur travail, etc. Il faut environ 20 secondes après qu'un candidat ait commencé à travailler sur une question particulière pour que Siret puisse déterminer s'il répondra correctement ou non. Le SAT étant un test à choix multiple, on peut présumer qu'une partie de la marge d'erreur de 20% provient du fait qu'un étudiant sur le point de rater une question peut la réussir en donnant une réponse au hasard. Donc, lui, il se dit, selon son test, 80% des gens, on peut le déterminer. Le reste des 20%, c'est qu'il y avait une réponse en tête, puis après ça, ils font, bon, gars, fuck that, là, je vais mettre la marde. C'est ça, ouais. La marde. L'objectif du projet de recherche est d'identifier les sources de frustration chez les élèves dans le but d'intervenir plus rapidement en cas de difficulté d'apprentissage. Intriguant, quand même. Ouais. J'adore cette nouvelle-là. Une bonne recherche de la part du gars. Des chercheurs maintenant qui font bouger des bras paralysés. Une équipe de chercheurs a développé un moyen de faire bouger des membres paralysés grâce à des signaux du cerveau en outrepassant la moelle épinière. Ces chercheurs de l'école de médecine de l'université de Feinberg ont fait leur test sur des singes à qui ils ont temporairement paralysé les bras. Tu sais, la recherche sur les animaux, là? Oui. Ça ressemble à ça. Un décodeur enregistre les émissions d'une centaine de neurones dans les cerveaux des singes, tandis que leurs bras actifs s'affairaient à des mouvements simples comme placer une balle dans un tube. Les bras des singes sont paralysés artificiellement avec une prothèse neuronale liant le cerveau et le bras du singe. Les signaux du cerveau du singe envoient des petits courants électriques en moins de 40 millisecondes aux muscles des bras, reproduisant les gestes effectués précédemment avec une certaine fidélité. Le directeur de la recherche croit que ça pourrait un jour aider les patients paralysés à cause d'une blessure à la moelle épinière à reprendre des activités quotidiennes et développer une plus grande indépendance. S'il s'agit d'un pas important dans la recherche, on ne peut pas encore parler de révolution. Dans ce cas, on a simulé 3 muscles des bras, tandis qu'un bras réellement paralysé aurait besoin de beaucoup plus de muscles activés pour donner un aspect naturel au mouvement. Ensuite, les bras des singes sont temporairement paralysés, tandis qu'une paralysie complète fait en sorte que ces neurones cervicaux habituellement voués à des mouvements de bras se concentrent à la longue à d'autres tâches et simultanément les muscles paralysés s'affaiblissent. Donc, il y a plein d'autres facteurs, mais bref, on avance et on commence en quelque part. Faut bien commencer à quelque part, comme on dit. Ouais, tout à fait. Et voilà. La plus récente étude du casino en ligne Roxy Palace, hein, toujours une source fiable, le casino en ligne Roxy Palace. OK. Dévoile que 11% des célibataires préfèrent bénéficier du nouvel iPad d'Apple plutôt que d'avoir la chance de fréquenter un ou une nouvelle partenaire. On préférerait avoir le nouvel iPad que de sortir avec quelqu'un d'autre. Pour fin de comparaison, seulement 4% des répondants ont affirmé préférer l'obtention d'une tablette tactile d'une autre marque de commerce au lieu de vivre une nouvelle histoire d'amour, donc quelque chose d'autre qu'un iPad. De façon surprenante, 3% des participants de la dite étude ont confié qu'ils quitteraient leur partenaire actuel avec joie en échange de la tablette iPad. Okay. La jante féminine apporte cependant un certain équilibre avec une proportion de 84% des femmes interrogées qui préfèrent conserver leur partenaire actuel au lieu d'obtenir... Tu sais, quand même... près de 44% des participants ont avoué avoir utilisé une application pour résoudre un problème relationnel dans leur couple. 44%. Alors que 15% d'entre eux ont confirmé utiliser Internet pour obtenir des conseils sur leur vie amoureuse. Près de 3 personnes sur 4, 71%, ont confié préférer avoir une conversation FaceTime avec le petit logiciel sur un iPhone ou un iPad avec un partenaire potentiel avant de rencontrer celui-ci en personne. Tu veux pas perdre ton temps. Là. Le voile. C'est ça. Parce que le monde est superficiel. Tourne-toi. Hein. Tourne-toi. Ouais, c'est ça. Ou tourne ton iPhone, puis prends la caméra en avant, caméra en arrière. Allez, ça, on peut faire tout avec ces affaires-là. Et bien, parlant de produits Apple et de nouvel iPad, par exemple, le doux parfum d'un produit Apple fraîchement déballé. Est-ce que t'as déjà acheté un iPhone 9? Ouais, je me rappelle pas de l'odeur, par exemple. Non, ben, Colin, tu fais peut-être partie de la minorité, parce qu'un trio d'artistes australiens a créé un parfum qui reproduit l'odeur supposément distincte d'un emballage de MacBook Pro. T'avais-tu remarqué, toi? Non, pas vraiment non plus, mais j'ai pas l'odorat particulièrement fin. Le parfum sera utilisé pour agrémenter une exposition le mois prochain et on ne prévoit pas le commercialiser ensuite, malheureusement, ce serait bien. Donc, que diriez-vous de vous faire bercer par le bouquet envoûtant d'un emballage plastique sur un fond d'usine chinoise, sûrement avec des mains de petits-enfants, avec un arôme de sueur, oui. Ah. Les heureux détenteurs de MacBook Pro vous diront que c'est une expérience inoubliable. Tu vois, moi, je l'avais déjà oublié. On dirait une blague du 1er avril, mais non. La division australienne de la compagnie Air Aroma a bel et bien concocté cette potion pour le moins unique que les artistes Gavin Bell, Jarrod Kougère et Simon McGinn ont pris leur mission très au sérieux. Ils ont fait appel à Air Aroma et a acheminé à un laboratoire français des échantillons prélevés à la source, donc le moment magique où vous décachetez l'emballage. La synthétisation terminée, le produit sera dispersé dans l'air ambiant pendant une exposition du groupe d'artistes en question. Air Aroma est spécialisé dans les distributeurs de parfums pour des fins marketing. Ils commercialisent tout ce qu'il faut pour envoûter vos clients ou convives. Et puis on dit que c'est un mandat ponctuel et qu'aucun plan de commercialisation n'est prévu par la suite. Mais c'est certain qu'il va y avoir de la demande et peut-être qu'ils vont le faire s'il y a tant de demandes que ça. Ouais. Peut-être. J'ai pas l'idée. Tu pourrais avoir d'autres compagnies, d'autres tablettes, de d'autres marques qui se mettraient une odeur de... Ouais. Je sais pas. Pas sûr. Pas sûr non plus. Pas sûr. Parlant de iPhone et d'appareils Apple, les fabricants de téléphones intelligents comme Apple essaient constamment de concevoir des appareils plus petits et plus résistants. Selon les rumeurs, la firme Apple travaillerait sur un nouveau matériau pour bâtir son prochain iPhone. Il s'agit de la technologie du métal liquide, d'après les infos recueillies par le site etnews.com. L'entreprise de Cupertino a acquis les droits exclusifs de Liquid Metal Technologies pour concevoir des appareils utilisant cette technologie en août 2010 pour la somme de 20 millions de dollars. Un nouvel iPhone fait avec cet alliage de zirconium, de titane, de nickel et de cuivre pourrait avoir plusieurs avantages pour les consommateurs. Ce matériau pourrait causer une petite révolution dans le monde des télécommunications. L'iPhone 5 pourrait être plus mince, plus léger, mais aussi plus résistant aux impacts. L'utilisateur aurait le meilleur des deux mondes, soit son téléphone qui serait léger, mais sans être trop fragile. Okay. Sans être... Le liquid metal, comparativement à d'autres matériaux comme les alliages d'aluminium ou de titane, offre, selon les dires de liquid metal, plus de résistance, d'élasticité et de dureté. On avait déjà entendu dans le passé des rumeurs similaires concernant des accessoires d'Apple, mais rien d'aussi évident que ça. Le développement serait très bien avancé. En fait, ce nouveau produit pourrait être annoncé très rapidement. Là, il y a des rumeurs qui parlent du mois de juin. Il y en a qui parlent de cet automne. Moi, j'aimerais donc ça si c'était le mois de juin. Ouais. Je serais tellement dû pour un nouvel iPhone, là. Toi, le tien, c'est dans combien de temps que tu... Je sais pas, je pourrais changer, vois-tu, je pense au mois de juillet ou août. De cette année, là? Ouais, cette année, mais je pense que je vais attendre encore un peu, là. Ouais, tu veux qu'il le mette à jour encore une autre fois, puis... Ben, je sais pas, en fait, là, pour là, il fait bien la job, là, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est en masse. Le mien fait pas du tout la job, donc... Ouais. Mais bon. Ça vieillit vite, ces affaires-là, je trouve. Ouais, tout à fait. Ouais. Les robots sont l'avenir du tourisme sexuel, selon l'agence France Presse. Ah, ouais? Oui. Les travailleuses du sexe à Amsterdam auront du mal à trouver du travail si la vision de deux professeurs de la Nouvelle-Zélande devient réalité. Je cite, « En 2050, le quartier chaud d'Amsterdam sera l'affaire de prostituées robotisées qui n'auront pas d'infection transmissible sexuellement et qui ne seront pas des travailleuses clandestines de l'Europe de l'Est réduites à l'esclavage. » Le conseil municipal aura un contrôle direct sur les travailleuses du sexe robotisé en contrôlant les prix, les heures d'ouverture, littéralement, ouverture, hein? on comprend, et les services sexuels, c'est ce qu'écrit le futurologue Ian Yeoman et la sexologue Michelle Mars. Dans un article publié dans le journal Futures, les auteurs décrivent un imaginaire club de sexe à Amsterdam appelé le Yum Yum. Le Yum Yum. Yum Yum, pardon. Les auteurs postulent que les touristes sexuels paieront de grosses sommes d'argent pour avoir droit à tous les ébats sexuels compris avec le robot. Ce sera une grande victoire pour Amsterdam car la ville continuerait d'attirer des milliers de touristes désireux de vider leurs poches. Ils disent vraiment vider leurs poches dans l'article, mais on se comprend que ça veut dire vider leurs poches, là. Mais en évitant tous les inconvénients que sont les drogues, la violence et l'exploitation des mineurs. Les robots seront même fabriqués avec un matériau résistant aux bactéries, prédisent les deux auteurs. Moi, je pense pas que ça fonctionne, là, mais... Ben, 2050, c'est loin. Même temps. En même temps. En même temps, quand tu veux ça, j'imagine, c'est le contact humain aussi. C'est ça, c'est la peau. Hein? La peau. Je vais sauter par-dessus quelques trucs. Je vais vous laisser aller lire un article sur des filtres qui sont exigés contre les sites pornos dans les ordinateurs d'école. C'est que des parents d'élèves de la région de London, en Ontario, exigent que des filtres Internet soient utilisés dans leurs ordinateurs à l'école parce qu'une erreur de professeur a entraîné la diffusion d'images d'un film pour adultes à des enfants de deuxième année. Donc, on exige des filtres. C'est sûr que t'es à l'école, ton historique web est rempli de porn pour certains d'entre eux, on s'entend. Il y a une partie, là, faut pas se le cacher, on fera pas semblant que ça arrive pas, mais il y a des professeurs qui sont là pour être avec des enfants, on se comprend là-dessus. Ouais. Mais bref, c'est ça. Ça a été montré devant la classe. Donc, il peut se passer bien des choses là-dessus. Il faut avoir des filtres pour ça, c'est logique. 1300 travailleurs, dont des Canadiens, qui ont été congédiés par erreur par courriel. Donc, t'es au travail, tu penses juste à ta fin de semaine. Là, t'arrives avec un courriel à ta boîte de réception. On vous dit, videz votre bureau et puis on vous renvoie, on vous force à quitter l'immeuble. Vous êtes congédié. Là, vous regardez, là, ça dit, bon, c'est un article qui décrit la situation, là, mais vous regardez votre voisin qui a sensiblement le même visage que vous. Et là, vous voyez que tout le monde dans le bureau a reçu le même courriel. Ben, c'est qu'il y a un message qui a été envoyé par erreur à 1300 personnes. C'était pour une seule personne qui était renvoyée. Mmh. Donc, faites le don en personne. Ouais, s'il vous plaît. Le renvoi, c'est un petit peu de décence et de compassion humaine, s'il vous plaît. Alors, jeu vidéo maintenant, une poupée gonflable qui vient avec un jeu vidéo, François. Okay. Lequel? Et tu veux que je t'envoie l'adresse? Non. Amazon.com nous apprend que l'édition limitée de Record of Agarest War 2 inclura non seulement le jeu et un livret artistique comme la plupart des éditions limitées, mais aussi une poupée gonflable et une serviette en forme de cœur. C'est bien drôle, ça. C'est génial, hein? Aucune image de ces deux articles n'est disponible pour le moment, mais ça va faire jaser. Record of Aggressed War 2 sera en magasin le 27 juin. L'édition limitée va coûter 60$. C'est 10$ de plus que la version standard, donc ça doit pas valoir cher comme poupée, là, 10$ de plus, là. Non, j'imagine. Franchement. Ça va être fragile. Donner une flashlight avec ça, ça va être bien la... Non? Quoi? Ouais, c'est ça. Je te laisse aller voir ça. Sony a déposé un brevet pour un nouveau contrôleur. PlayStation Lifestyle a découvert que Sony a déposé et obtenu un brevet pour un appareil bizarre. C'est une manette qui utiliserait la technologie du PlayStation Move et qui se transformerait en volant ou encore en guidon de moto ou de moto marine. L'appareil qui inclut des boutons traditionnels. Donc, t'intégrerais ta manette PlayStation Move à la verticale dans ce petit gadget-là avec des genres de joysticks. Ben, pas des joysticks, mais des genres de... comment t'appelles ça? Des poignées. OK? Sur les côtés, et tu peux bouger les poignées dans le sens qu'il faut et les barrer, j'imagine, à cette place-là. Et là, si tu les mets à l'horizontale autour d'un rond, tu sais, le rond à ta manette PlayStation Move dedans, la verticale dans un rond, OK? Mm-hmm. Et là, tu as les manettes qui sortent sur le côté. Mm-hmm. Donc, ce seraient les manettes, les guidons d'une moto. Puis là, tu peux les mettre par en bas, les revisser là. Et puis là, ça devient, par exemple, je sais pas, un volant de course. Tu sais? Donc, allez, va voir les dessins sur assemblagerequis.com. Je trouve l'idée pas mal bonne. Pas mal plus intéressante que le volant de la Wii avec Mario Kart où tu fais juste mettre ta manette dedans, puis c'est un bout de plastique que tu tiens dans tes mains. Ça a l'air d'un vrai guidon. J'aime ça. Il y a eu une conférence Nintendo Direct la semaine passée. En fait, c'était en fin de semaine. On parle de vendredi soir. Une mise à jour de la 3DS qui s'en vient bientôt. Ça a été annoncé. Ça va déployer le 25 avril, donc mercredi. Qui permettrait de créer des dossiers sur le menu principal de la console 3DS. Question de regrouper les applications dans des catégories, par exemple les jeux que tu aurais téléchargés sur le online. Mise à jour qui va aussi supporter les retouches pour la première fois. Les compagnies vont donc pouvoir corriger les petits défauts de leurs jeux. Par exemple, dans Mario Kart 7, il y a un gros bug qui permet aux gens de tricher. Donc, ça pourrait être corrigé par des patchs sur la 3DS, donc l'idée est vraiment bonne. Même si les jeux sont sur des cassettes, le patch serait sur ta console en tant que tel. Lors de cet événement Nintendo Direct, Nintendo avait promis un nouveau Mario en 2D sur la 3DS. Ça a été annoncé. C'est New Super Mario Bros. 2 qui va être la suite de New Super Mario Bros. Sur la DS et sur la Wii. Ils ont ajouté quelques trucs de Mario Bros. 3 sur la NES. Là, j'irai pas dans les détails parce que j'ai l'air vraiment trop geek là-dessus. Là. Mais la queue de raton laveur, tout est là. L'aile pour la P-Wing qu'on appelle en Mario. Tu sais, la P-Wing, là. Tu sais, là, pour voler dans les airs pendant une période de temps infinie. C'était le fun, ça. Bref, c'est ça, allez voir la vidéo et plusieurs photos sur assemblagerequis.com. Il y a une compilation qui s'en vient pour les 20 ans de Kirby. Donc, Nintendo a annoncé son intention de produire une compilation visant à célébrer les 20 ans de Kirby, le petit fantôme rose. Là, ouais, j'ai jamais joué avec ça. J'ai pas tant joué à ça. Pas fantôme, plus bulle rose. Ben, c'était comme plus jeune, je pense. Je pense que oui, même si en tant que tel, les jeux m'ont l'air assez difficiles par moment. Donc, un peu comme la compagnie l'avait fait avec Mario et sa collection Mario All-Stars sur la Wii récemment. Donc, ils vont sortir une compilation avec, j'imagine, tous les jeux de Kirby, ou en tout cas une bonne partie. On dit que les franchises d'Electronic Arts vont devenir des univers en ligne. Donc, le patron d'Electronic Arts dans le nord de l'Europe, Keith Ramsdale, lors d'un événement de presse, a affirmé que toutes les franchises de EA seront transformées pour devenir des univers en ligne. Donc, ça inclut les marques FIFA, Battlefield, Medal of Honor, Star Wars, The Sims et Need for Speed. Il dit que ça fait pas seulement référence aux jeux en ligne, c'est que chaque jeu deviendrait une marque et qui serait jouable sur plusieurs plateformes avec un seul profil. Donc, il nous donne un exemple avec FIFA. Donc, on imagine un joueur qui se lève, il joue à une partie sur Xbox 360 avant d'aller travailler. Dans l'autobus, il pratique ses coups francs sur sa tablette. Après ça, il étudie la fenêtre des transferts au travail. En revenant à la maison, il personnalise son équipe sur son téléphone intelligent. Hein? Et là, le soir, sur son Xbox, son activité de la journée a été prise en compte par le jeu. Et ça pourrait être comme ça pour toutes les franchises que je vous ai mentionnées tantôt. L'idée est vraiment bonne d'avoir un univers avec un seul compte. J'aime bien cette idée-là. Ouais. Et on termine avec le tour du net rapidement en ce lundi matin. On commence avec un illustrateur qui s'appelle Dan Matutina qui a trouvé une façon de montrer les héros de la télé, des films, des jeux vidéo et leurs ennemis principaux. Donc, il dit les ennemis se détestent, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne pourraient pas exister sans l'autre. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, disons, Joker et Batman. Et tu sais, la forme d'un cœur, on pourrait penser que c'est comme, si tu regardes, mettons, deux pouces un par-dessus l'autre, si tu mets tes deux pouces un par-dessus l'autre en X, là, ça fait à peu près un cœur, tu sais. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la portion de, mettons, le pouce de gauche, OK? Et ça, c'est le Joker, et le pouce de droite, c'est Batman, dans son dessin. en forme de cœur. Oh. Donc, c'est artistiquement super joli. Il y a Skeletor et He-Man, Darth Vader et Obi-Wan Kenobi, Dexter et Mandark dans Dexter's Laboratory, Bowser et Mario dans Les Frères Mario, évidemment. Des personnages de Teenage Mutant Ninja Turtles, les Powerpuff Girls, Angry Birds, le cochon versus l'oiseau, c'est pas mal mon préféré. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Donc, allez voir ça. 10 portraits en code-barre, des portraits de vedettes. Donc, c'est des codes-barres, vraiment, littéralement. Si vous scannez ces codes-barres-là avec des applications pour iPhone, n'importe quoi, ça va vous envoyer vers un lien qui a rapport avec la vedette. Par exemple, on voit la face de Marilyn Monroe, de Madonna, Oprah Winfrey, Andy Warhol, Ozzy Osbourne, plein d'autres gens comme ça. Et ce sont vraiment des codes-barres qui ont été faits, je sais pas comment, mais c'est super bien fait. C'est différents codes-barres qui font, dans le fond, le dessin. C'est pas le dessin au complet, mais chaque partie du dessin, avec les ombrages et tout, ce sont chacun des codes-barres individuellement là-dedans. Et des codes-barres qui fonctionnent, comme je disais. Des posters de films, des affiches de films, mais vues d'en arrière. Tu sais, mettons, tu prends le poster de Kill Bill. Ouais. Si tu te l'imaginais à l'envers... Oh, le dos de tout le monde et puis... Le dos de tout le monde, les fesses de Uma Thurman, oui, et le titre Kill Bill écrit à l'envers, comme si vraiment la caméra était déplacée vers l'arrière du poster... Il y a des portraits faits par un sculpteur coréen, Sumo Park. C'est des portraits faits avec des screens de pâte. Des screens? Des screens. Donc vraiment, on peint un screen du plafond. Et puis, tout ça à la main est déchiré fil par fil. Okay. Je sais pas comment ils font. Et ça donne des photos tellement impressionnantes. On dirait vraiment une photo, mais c'est pas une photo, c'est un portrait créé à la main. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. Sérieusement, de loin, là, tu penserais vraiment que ça a été fait sur une toile très, très mince ou je sais pas quoi. Ouais. C'est super beau. Et puis, une vidéo que je vous ferai pas jouer parce que ça change absolument rien. C'est pas parler, c'est juste de la musique qu'il y a dans la vidéo. C'est un time-lapse. Donc, on a pris pendant 12 ans. Donc, c'est 12 ans en 2 minutes 45. Sérieusement, le gars, l'artiste Franz Hofmeister, qui a filmé sa fille à chaque semaine de sa naissance jusqu'à son anniversaire de 12 ans. D'accord? Donc, à chaque semaine, il a pris, bon, j'imagine, une vidéo très, très longue pour avoir des souvenirs. Là. Mais dans la vidéo, ça dure 2 minutes 45 en tout. Donc, on la voit en tant que bébé. Et à chaque fois que c'est son anniversaire, le chiffre apparaît dans le coin de l'écran. Donc, tu vois à 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu la vois pendant cette année-là à chaque semaine. Donc, c'est vraiment super bien fait. Allez voir ça, c'est un chef-d'œuvre de la vidéo. C'est une jeune fille qui s'appelle Lotte. L-O-T-T-E. Lotte. Lotte. Voilà pour CNX aujourd'hui. Et puis, on se quitte quelques minutes. Parce que Xavier est en train d'arriver, je pense, je le vois. Là. C'est lui, Mathieu. Je pense que c'est lui. Fais-nous signe si c'est toi. Oui, c'est lui. Merveilleux. Donc, on revient avec la chronique de Xavier Antoine, Tais-toi et cuisine pour l'instant. Ben, c'est ça, on prend une petite pause, OK? À tantôt. Bye. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 23 avril 2012. Bon matin, moi c'est Mathieu Plante. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Mathieu Plante deux fois. Mathieu Plante deux fois, hey, hein? Un sans masse, hein, je pense. Hey, dernier lundi, d'assemblage requis tel que vous connaissez. Ben, jusqu'en septembre, c'est pas mal le dernier lundi en direct, en tout cas. Oh, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Parce que je pense que ça va être rediffusé. Hein? Oui, ça va être rediffusé là, c'est ça. C'est pour ça que c'est mêlant un petit peu. On va être tous les jeudis de l'été entre 13h et 17h. On va repasser les samedis après-midi et les lundis en fin de journée aussi. Donc, plein de cases horaires pour vous. Pour la vie croisière d'assemblage requis. Maintenant, ben, avant de se quitter pour l'été, avant de le quitter, lui, Xavier, parce qu'il sera pas non! Avec nous. Oui, c'est sa chronique Tais-toi et cuisine. Va-t-il chanter aujourd'hui? Ça sera pas chouette, c'est la dernière. Hold love. Hold this. Ah, wow, ça me manquait. Ah, duo en plus. Hey, wow! Salut. Ça va bien, Xavier? Comment ça va? Hey, t'as de l'air en pleine forme! Mais quoi, la température t'affecte pas? Non? Il y a un chat à tête, non? Non, il fait 5 canons. Ok, a perdu l'usage de la parole. Un chat lui a mangé la langue. Mao. Mao. Mao. Allô? Mao. Mao. Et quand même, hey, j'allais bien. Hein? Ça a l'air d'un vrai. Lui, c'est un petit matou. Un tout petit. Un petit chat. Ouais. Un petit chat. Genre les petites boules de poils qui traînent en avant de la porte, les jours mouillés, puis qui arrivent, qui veulent juste un petit peu de lait tiède, là. Oh. Quand même, hein, on dirait une émission pour enfants ou d'animaux. Ouais, je sais pas vers quoi on se dirige, là, mais. Je sais pas. Bon. Hein? Écoute! Xavier, parlera pas de la chronique aujourd'hui. Bah, vu le temps. En fin de compte, j'aurais peut-être dû préparer des lattés chauds, pas des lattés glacés. Mais c'est ça qu'on a dit! T'écoutais pas! On t'a fait un message, on t'a lancé un message. Si Xavier écoute... Oui, mais il était quelle heure? Ben, il était à 7h05, 10, peut-être. C'était en master, ça. Fait que moi, j'avais préparé tout mon stock pour le latté glacé hier soir. Ouais. T'as vraiment donc, pas écouté donc, parce que donc j'aurais pu le chauffer à matin. Si mon tu m'avais envoyé un message via Facebook, j'aurais fait comme, OK, je le mets dans le micro-ondes avant de partir. C'est donc ma faute, c'est ça. En tout cas... Oh boy. Donc, oui, on est lundi matin. Il mouille en ce moment pour nous en studio. Ça mouille très beaucoup. Ça mouille beaucoup. Donc, on va se boire quand même du latté glacé. Oui, dans le fond, latté glacé qui fonctionne exactement comme un latté classique, en fin de compte. Un latté, c'est un café latté. C'est un espresso avec du lait pour l'allonger. Nous, on fait pareil. On va faire un thé concentré. Là, attends un peu. Tu viens de me perdre. Avec tes termes, là, espresso, là, c'est quoi? Un espresso, tu sais, les petites doses de café concentré, là. Tu sais ce qu'on dit qu'il y a moins de caféine que du vrai café, là, genre là-dedans? Alors que c'est pas vrai. Non, mais on dit ça. Si, il y en a moins. Il y en a moins dans celui-là. T'as un peu, le café, je vois pas. C'est très concentré. Mais dans le fond, c'est juste le goût de café qui est plus fort. Okay. C'est ça, okay, parfait. Et dans le fond, on va faire exactement la même chose. On va préparer quelque chose de plus fort à la base que le lait va venir allonger. OK. Ça, c'est pour les lattés, là. Exactement. Pour les lattés. Et tu me faisais penser, justement, au début de chronique, est-ce qu'on peut le faire chauffer et le boire chaud? Ben, ça fonctionne exactement de la même manière. Ouais. Pour un latté chaud, tu vas juste comme préparer ton thé concentré chaud et ton lait chaud pour allonger le thé chaud, en fin de compte. Pour un glacé, tu vas le mettre dans le froid, dans de la glace. OK. Juste que là, moi, j'ai pas pris de glace, j'ai pris du lait froid et j'ai fait refroidir dans le fond mon thé concentré hier soir. D'accord. Et tu fais chauffer ton lait comment? Sur le poêle. Ouais, dans un chaudron, quoi. Mais comme vous voulez, en fin de compte, du moment que le lait est chaud. Parce qu'il y a une rumeur qui dit que le lait dans le micro-ondes, c'est peut-être pas. Ah, pour vrai, dans le fond, c'est une cuillère, je pense, dans le micro-ondes. Hein? Ça va exploser. Non, mais c'est vrai que, de manière générale, faire chauffer un liquide au micro-ondes peut être dangereux. Mais parce que dans le fond, c'est. Ben dans le fond, les deux. N'importe quel liquide peut être dangereux de chauffer au micro-ondes, en fin de compte. Pourquoi? Parce que ça va juste comme agiter les molécules, faire ressortir un petit peu l'air, en fin de compte. Et si moindrement, il y a comme trop de vibrations par la suite, ça peut comme créer un gros mouvement dans les molécules et faire, entre guillemets, exploser. Ah, quand tu fais de la soupe dans le micro-ondes, c'est pas bon? T'es pas supposé. Pas supposé. Ouais, t'es sûr? T'es supposé le faire comme réchauffer, mais pas comme faire essayer de faire bouillir ou le faire monter à trop haute température. Mais je dis pas quand c'est sous pression ou que c'est fermé, là, je peux comprendre qu'il y a une explosion. On parle vraiment de tasse, genre que tu laisserais comme 5 minutes dans le micro-ondes pour le faire chauffer. Ça peut exploser. Beaucoup. Donc, dans le fond, les molécules sont ultra agitées à l'intérieur sans véritable mouvement. OK, c'est la tasse qui éclate, là, en fait. C'est pas le liquide qui... Si, c'est le liquide. Ah, oh, ouais. Ah, ben. Donc, dans le fond, quand tu vas le faire bouger, ça va refaire entrer de l'air. Et là, ça peut faire une pression au niveau des molécules en dessous. Ça veut pas dire que ça va le faire, mais ça pourrait le faire. Ça donc, peut le faire. Pourquoi prendre le risque? Exactement. Voilà. Parce que ça arrive jamais. Donc, à date, en tout cas, on est chanceux. C'est ça. Donc, pour faire chauffer du lait, micro-ondes, si vous voulez, chaudron ou... À vos risques et périls. C'est ça. Ou alors, si moment vous avez comme déjà une machine à latte, à espresso, etc. Vous avez des petites choses dans le ça, ça se fait, pour les fouetter, pour dans le fond pour les steamer avec de la vapeur, etc. Les steamer. Wow. Steamer. Oui. Les vapeurs. Oui. Donc ça c'est ça. En fait, tu fais chauffer ça avec ça. Un chocolat chaud, souvent quand tu vas dans un café, ce truc-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. C'est très rapide, ça brasse en même temps. Et ça donne généralement une très belle mousse aussi. Oui, mais, c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est très plaisant. Mais j'imagine que, écoute, monétairement, ça doit être quand même relativement cher pour à la maison. Ben, une grosse machine comme dans les cafés, oui. Mais t'achètes pas ça de toute façon. Mais, t'as pas à en faire 15 en même temps, de toute façon. C'est ça. Généralement, mais pour faire de la steam, ça se vend, Ben, tu as quand même des petits. Je pense que j'en ai déjà trouvé comme à 80-90. C'est pas de la top qualité. Puis une fois que tu l'as acheté une fois, après ça, tes cafés te coûtent beaucoup moins cher. Que mettons, aller dans un restaurant ou une place qui fait ton propre latte, tu vas exactement. Tu te prépares le tien avant de partir de chez toi, et puis après, ben, t'es tranquille jusqu'à ton milieu de matinée, fin de matinée. Oui. C'est un bon point, mais des fois, en fait, faut tu t'assures aussi que t'aimes t'aimes vraiment ça, t'as le faire. C'est vraiment que tu sois un fan. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Parce que souvent, tu sais, on prend l'habitude d'aller dans un café et puis ce qu'on aime, en fait, c'est d'aller dans un café. C'est l'ambiance. Ouais, c'est ça, café, exactement. C'est le social et c'est pas le préparé. Okay. Oh. Donc, moi, j'aime bien ça, me faire servir généralement. Ah oh, oui, hein. Des services de différentes sortes. Tu claques des doigts, là. Ouais. Dépêche-toi. Non. Viens me stimuler. Moi, généralement, j'arrive, j'ouvre les deux portes comme ça. Je regarde le monde qui est dans le coin, qui est au comptoir. Bah, là où j'ai l'habitude d'aller, dans le café où j'ai l'habitude d'aller, là. Sans nommer de marque en particulier. Mais ils travaillent aux rivières, fait que. Ah, mais non, mais c'est pas aux rivières. Non, dehors. Ah, excuse-moi. Dehors, devant, à côté, à droite, en arrière, il y en a pas mal partout de ça. C'est ça. Donc j'arrive, j'ouvre les portes des deux côtés, je regarde le monde au comptoir, généralement c'est du monde que je connais, sinon je le fais pas. Et puis là, ils me regardent comme ah, c'est encore lui. Ah, je suis sûr qu'ils sont contents de te voir. Oui. Nous, en fait, on est contents de te voir le nez. Ah, ben, je ramène pas mal de gaieté dans le café quand j'arrive généralement. Ça devient très ghetto. Ça devient très gay tout d'un coup. Ghetto, non? Ghetto, non, ouais. Généralement, j'arrive là-bas pas mal tard dans la journée. Attends, comment tout le monde parle en même temps, quoi? Généralement, j'arrive pas mal tard dans la journée. Ah, ok. Quelle heure, ça? Vers 6h? Le soir? Et ça m'est déjà arrivé d'arriver à 5h et de partir 11h à 11h30 le soir. Attends, quand t'arrives, ça devient ghetto, ok? Et quand tu t'en vas tellement vite comme un gay... Non, j'allais dire guépard, mais guétard aussi, mais ça n'a pas de sens. Oui, parce que le guépard. Léotard, t'as ça, mais t'as pas guétard. Non, jouer de la guétard. Non? Oh! Jouer de la guitare, non? Ah, ça, c'est plus sous les couettes, ça, je pense. Comment? Quoi? Ça, c'est ton plus manche, sous la quoi? Hein? Comment? Ça va être sous la couette? Ouais, c'est ça, je pense. Sous la guitare? Je pense. Oh, un show de guitare. Bon, ok. Ça va loin. Donc, oui? Hey, écoute, le latte ce matin. Oui, hey, ça va. Il est à savoir de quoi? Parce que, en fait. Ben, je vous laisse y goûter. Vous ouais, me direz ouais, si ok, vous on devine. Ça sent fruité de loin. Ouais, ouais. Je te laisse aller, Mathieu. Écoute, Mathieu va nous dire ses premières impressions. Okay. Ça sent les fraises, ok. Sent les fraises, ok. Wow, vous êtes pas mal doué. Vous êtes bien dressé. Ça sent les fraises, ouais. Ça goûte les fraises un peu aussi. Ouais. Ah, mais c'est très bon, ça. Ok. Moi, je viens de finir mon chocolat chaud. Donc, écoute, mes papiers ont peut-être une certaine biaisé ce matin. Ouais, ouais, exact. Allez, vas-y, vas-y. Donc, Mathieu, t'as dessiné un petit goût de fraise? Oui, un petit goût de fraise. Ok. Toi? Ben ouais, non, moi on dirait que ça goûte à rien. Là. Ah bon. Ben c'est vrai, toi il faut que ça goûte fort. C'est froid. Moi j'ai l'impression de boire la fin de mon bol de céréales quand j'ai mangé des céréales fruitées aux fraises. Là. Pour vrai. Non, t'aimes pas ça? Ben je sais pas, écoute, je suis pas un fan de latte premièrement. Écoute, je pense que ça doit être le deuxième dans ma vie que je bois. Ah ouais. Je trouve ça assez particulier. Là. Particulier. Parce que c'est froid, en fait, je suis pas habitué à ça. C'est ça, ben, en été, généralement, moi, je préfère. Ben, en été, peut-être, exactement. Moi, je dirais déjà, c'est très très rare que je vais prendre des lattés chauds. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme beaucoup de mal avec les lattés chauds. L'hiver, j'imagine, ça peut être super bon. Même ça, j'ai du mal avec les lattés. Ok, j'ai vraiment du mal. Moi, dès que je prends des lattés, c'est plus des lattés glacés, je te dirais, malheureusement. Ben, c'est ce qu'ils vendent partout, d'ailleurs. Ben, partout, c'est des chauds et des froids. Ok. Moi, en tout cas, je bois des chauds souvent. Et là, tu sais, puis j'avoue que froid, ça, c'est très différent. J'en bois pas autant, fait que c'est pas habitué. Genre, quand il fait chaud, tu magasines. Un latte glacé, ça se prend bien. Ben oui. Oh, ouais, c'est ça, exactement. Mais le matin, j'imagine, tu bois pas un latte froid. Là. Ben, tu peux te préparer un latte et le mettre dans tes céréales. Ouais, ben oui. Hein? Ben oui. Oui, ben c'est vrai. Ouais, vous faites ça? Non, mais ça a l'air bon. Ben moi, je le fais avec du matcha. Là. Du matcha? Tu sais, le thé vert en poudre, là. OK. Ben, ça me dit, ben moi, je fouette du matcha, je le mets dans du lait, puis je prends mes céréales avec. Mais rendu à ce stade-là, écoute, t'es un fan incontesté de thé, là. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est pas tout le monde qui font ça, c'est là. Pas un reproche, là. Non, c'est loin. Ben, j'ai une autre amie qui le fait aussi. Ah, ouais? Bon, OK, elle a été gérante du magasin de Mont-Royal aussi. OK. Qui se ressemble, ça semble, hein, dans voilà. Le voilà. C'est quand l'assemblage qui est requis dans ce cas-là. Allô. Oh, hello! Hey, hey, pas pire, ça. Bravo. Non, j'aime ça pour vrai et j'ai vraiment l'impression de boire le fond de mon bol de céréales et j'aime bien boire mon fond de bol de céréales. Donc. Eh bien, je t'annonce que c'est explosion chocolatée à l'intérieur avec des framboises. Aux framboises, ah, toi. Ah, c'est des framboises. Mais c'est framboises, des chocolat confusion. Et amandes. Ah, c'est parfait, ça. Et en plus, un maté, je l'ai vraiment fait surinfuser hier soir. Donc, vous devriez avoir une bonne dose d'énergie encore jusqu'à fin de matinée, début d'après-midi. Superbe. Après ça, on tombe comme des feuilles. Comme des mouches. Comme la pluie sur la ville. Ah, oh, oui, tellement. Je sais pas c'est quoi Mère Nature qu'elle a aujourd'hui. Elle pense que genre on n'a pas assez pensé à elle hier 22 avril, journée de la Terre ou quoi. Ah c'est vrai. Elle se branche sur nous, je sais pas ce qu'elle veut. Hey, ça fait la, est-ce que la... tu as participé à une activité hier? Controverse. Ben, dans le fond, on s'est associé à David Suzuki, dans le fond, qui est un grand environnementaliste. Ouais. Dans le fond, on a créé des choses spécialement pour lui, puis c'est lui un petit peu, dans le fond, qui. Dans le fond, un petit peu notre conseiller sur dans le fond tout ce qui est implication environnementale, comme on a aussi toutes nos tasses, nos verres réutilisables, etc. Qui lui approuve, donne sa... Mais dans le fond, il l'approuve pas, il donne juste son avis sur tout ça. Et c'est vrai que généralement, on en tient pas mal compte, puisqu'on veut absolument avoir un impact positif là, pour l'environnement. Je dirais que c'est pas mal ça, donc on célèbre pas mal le jour de la Terre. Et on a eu comme... hier en dégustation Vert Nature, qui est un thé vert avec des canneberges, graines de moutarde, graines de carvi, bleuet. Graines de moutarde, c'était super bon. Honnêtement, j'ai été surpris. Oui, là je te pointe du doigt et puis je te ouais, écoute, t'as de l'air fâché là. Relax. Je suis relax. Je suis zen. Et ça, mais moi, honnêtement, quand j'ai lu la liste d'ingrédients, je fais oh, encore de la laitue de mer. Je dis graines de moutarde. Laitue de mer, écoute, je connais pas. C'est quoi, c'est des algues? Non? C'est ça, c'est des algues. L'étude mère qui fait partie des aliments principaux de nos amis les baleines. Ok. Puis ça goûte particulier, mais la balance justement avec la canneberge, bleuet, graines de moutarde, graines de carvi. C'est vraiment bon. Vraiment, et vraiment quoi, graines de carvi? De carvi. C'est quoi? Dans le fond, c'est une petite épice aussi. Ça a aussi été appelé. Dans le fond, c'est un semblant de fenouil. Ça fait partie de la même famille. J'ai fait des petites recherches sur le carvi, puis il semblerait que ça règle pas mal les mêmes problèmes que le fenouil. Ça a la même forme que le fenouil, etc. Eh ben, ça c'est le fun. Oui. Non. Ouais. Continue à boire. Je vais commencer à boire. Et donc c'est ça. Donc je vous annonce aussi, bah, pour ma dernière chronique, on a trois nouveaux thés verts en collection présentement. D'accord. Donc Vert Nature que je viens de citer. On aura la grande aventure des kiwis avec des morceaux de kiwi lyophilisés à l'intérieur, citronnelle, zeste de citron. Oh là, ça m'attire pas mal ça. Ça c'est pas bon pour moi ça. T'aimes pas ça le kiwi? Je suis allergique. Ah bah pour vrai. Tu mangeras pas de kiwi d'abord. On sait quoi faire maintenant. T'es allergique. Ah, j'aime voir enfler là. Ah ouais, cool. Hey, ça on peut te planter un crayon en face fait que... Non. Est allergique, non, on n'a pas le droit de faire des trachéos. Non, ah ben. Non, ça doit être réservé. Enfin, c'est une opération chirurgicale. Non mais ça, bah, ça peut être discutable je pense. Non? Parce que moi, j'ai à la TV, là, dans les émissions médicales, ils le font des fois là, dans le taxi. J'avais vu à Canada que quelqu'un avait sauvé la vie. Quelqu'un avec justement ça. Ouais. Il avait creusé avec une cuillère. C'est un peu dégueulasse. Ça, wow. Mais... ah, c'est très dégueulasse. Mais excuse-moi, moi, même après avoir fait mon cours de premiers soins, mes heures de formation, je le ferais pas. Non, même c'est... si c'était écrit dans le manuel au complet, mais je le ferais pas. Non, ça, c'est vraiment une formation beaucoup plus poussée parce que c'est... C'est presque de la chirurgie rendue là. Non, c'est ça exactement. Puis ils peuvent pas non plus l'enseigner là, dans les cours. Là. 16 heures, là. Tu sais, ils veulent pas que le monde en abuse. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à respirer. Ok, je vais faire une traquée. Non, c'est ça. Il a dormi une grosse pomme d'Adam, ça doit être parce qu'il a mangé un kiwi. Mais c'est ça. Et puis le troisième qui est un thé vert, rose Kongu. Rose quoi? Rose Kongu. Kongu? Kongu. Ok, Kongu. Donc, thé vert rose Kongu, dans le fond, qui va être pas qu'un simple thé vert à la rose, mais avec des pétales de rose et fruits du rosier. Donc, ça va pas juste goûter floral, ça va aussi goûter légèrement sucré fruité. Ça, c'est bien. Ouais, je suis en train de remettre mon couvert. Oui, c'est ça. Moi, c'est pas bon. Ouais. Et puis, aujourd'hui, vous aurez pas besoin de surveiller votre poche pour aller la vider après, comme à Amsterdam. On s'ennuie de pouvoir faire des jeux de mots de poche, hein? Oui, moi, je l'ai entendu tout à l'heure. Vider sa poche comme... Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de poche, effectivement. Tout à fait. On va devoir s'en passer pendant un bon 4 mois. Sauf si vous venez, venez me voir et puis... ça me fera plaisir de vous donner des poches dans des milieux chauds et humides. Oui, hein. Ou alors pas de poche et puis dans des choses froides et humides. Là. Et peut-être légèrement crémeux, là. Ouais. Crémeux? Bah oui, crémeux. Cool. Si vous prenez des latés. On rappelle qu'on peut te retrouver chez David City au centre commercial des Rivières. Oui. Tu vas être là tout l'été, hein? Oui, ben, je vais être là tout l'été avec sensiblement le même horaire que présentement, c'est-à-dire passer me voir dimanche, lundi, jeudi, vendredi. Samedi, si moindrement, je suis dans le coin. Ouais. Mais si moindrement, vous avez le goût de venir me voir moi en particulier, ben, y a toujours moyen de me contacter via le site d'Assemblage Requis. puis je pense que la personne en charge de ceci se fera un plaisir de rediriger l'information. Hey, tu parles, je vais être tellement content. Tellement. et puis, si vous passez chez David C, cherchez les cheveux. Hein? C'est comme ça. Chercher les cheveux, oui. Orange et vert. Chercher la personne avec le plein de cheveux. Ou un bandeau sur la tête. Ou quelque chose de spécial sur la tête. C'est lui, c'est Xavier. C'est pas mal, moi. Xavier Antoir. C'est moi. Merci. Merci beaucoup. Hey, Xavier, juste en terminant, écoute, j'ai écrit quelques lignes pour te remercier d'être venu comme ça, Assemblage Requis. Sur les Kleenex. Égayer nos lundis matin. Sur les Kleenex. OK. Non, tu vas voir, mais non. Hey, attends, je suis très sensible, j'ai une poussée d'émotion hier. Xavier rime avec, bien entendu, le thé. Mais avec bonté, maturité, honnêteté, mais avec tous ses saveurs, il a été notre sauveur du lundi. C'est wow, tout. C'est comme pour dire que le reste est poche le lundi. Oh, Mathieu! Non. Ça sombre notre début de semaine, c'est ça que ça veut dire finalement. C'est ça. Mais non, c'est juste pour te remercier. C'est juste moi qui suis poche. Mais non, t'es pas poche. Mais c'est pas ça que ça dit. T'es un essuie-poche, hein, comment? Hein? Je suis un repose-poche. J'ai une poche juteuse. Oh, hey! Non, trop loin. Fait que t'es trop loin juste pour ta dernière phrase, ta chronique, là, Caroline, toi. D'accord, faut bien que je parte en marquant tout ça. Oui. Tu sais, faut soigner l'entrée, faut soigner la sortie. C'est ça, on va se rappeler de toi. On va l'avoir dans la mémoire longtemps. Oui. Hein? Xavier Antoir, si tu veux nous appeler pendant l'émission du jeudi cet été, hein, quand tu veux, t'sais. En direct du magasin, ouais. Ben, okay. Écoute, c'est le rush, j'ai pas le temps. Salut. Merci encore. Ça fait plaisir. Bon été. Merci à vous deux aussi, puis on se reverra peut-être avec un petit peu de chance saison prochaine. J'espère bien. Peut-être même que tu vas être dans le coin, tu vas graviter autour de l'UQTR, qui sait? On verra bien. Espérons-le. Des fois que plein de choses se décident de cette semaine. Je te le souhaite. Bonne chance, hein, Xavier. Merci les enfants. Voici The Shins et Simple Song à Assemblage Requis. Done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt. On a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking you gotta be tough and play like a star. Done.

Grimes et la pièce Oblivion sur le palmarès anglophone de C'est fou, vous êtes à l'Assemblage Rocky, il est 8h36 minutes en ce lundi plus vieux. En tout cas, il est pas moins jeune. Il est pas moins jeune. Il est plus vieux. Ça va pas. Alors, on va parler de sport maintenant, François, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Absolument pas. Ben, parce qu'on a du charme et du sport. Bon matin, Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Hey, bon matin, messieurs. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ouais, ça va bien, merci. Hey, les boys, on va parler sans trop de surprises de la Ligue nationale ce matin. Là, on a eu droit à une surprise de taille hier, hein, les Canucks de Vancouver là, qui sont éliminés. Sortis par les Kings de Los Angeles en 5 matchs. Sérieusement, je vais être frais, messieurs. Je vais revenir sur mes prédictions de début de série. Je suis gêné. Gêné. Embarrassé. C'est le terme exact. Écoutez, messieurs, si les Rangers ne reviennent pas de l'arrière et si Boston ne complète pas la remontée, je suis 0-8. Mais, oui, beaucoup de changements, beaucoup de d'événements inattendus dans les séries, d'ailleurs. Ben, c'est une série de surprises. C'est une série, comme on dit en anglais, il n'y a pas un terme en français qui peut se égaler ce terme-là, mais des upsets, des résultats, on ne s'attend pas, des résultats surprenants. Et je pense qu'on l'a vu là, dans la série. Bon, justement, les Canucks contre les Kings, là, ça s'est terminé hier 4-1. Pas 4-1, c'est terminé en prolongation plutôt. La série s'est terminée 4-1, ça s'est terminé en prolongation hier par la marque de 2-1. Un but, justement, en prolongation. C'était une série. Bon, pour les Canucks, ça a été difficile de faire lever cette série-là. C'est pas la seule série où est-ce que les favoris ont eu des difficultés. On peut parler des Rangers de New York qui étaient là 3-2 contre Ottawa. Encore là, Ottawa, c'est pas une équipe qu'on attendait forcément. On les attendait pas du tout cette année. Reviennent, une fin de saison qui était difficile. On fait les séries par la peau des fesses. Et finalement, là, en série éliminatoire, tout semble se mixer au bon moment, tout semble fonctionner au bon moment. On parle depuis plusieurs années de la parité dans la Ligue nationale, qu'on veut avoir une parité, qu'on veut avoir un peu comme on peut voir au football, où est-ce qu'il n'y a jamais un match où on peut déterminer le gagnant avant. C'est ce qu'on semble avoir là, cette année du côté des nationales. Je pense qu'on peut être content du côté de la troupe de Gary Bettman. Pas mal moins d'heureux au niveau des preneurs au livre, par exemple, parce que... Ouais. On connaît qui peuvent perdre l'argent présentement. Floride, c'est pareil, contre les Devils du New Jersey. Oui, Floride avait terminé au troisième rang, mais personne ne s'attendait forcément à voir les Floridiens se rendre loin, les Devils du New Jersey, Martin Brodeur, tout ça. Présentement, ils mènent leur série 3-2. Les Rats sont de retour. Je ne sais pas si vous avez vu ça, monsieur. Ah non, j'ai pas vu, par exemple. Ah, les Rats sont de retour en Floride. Est-ce que je vous en avais parlé de la tradition des Rats en Floride? Brièvement. Brièvement, bon, ben, c'est pour remonter à l'époque là, de Scott Mellenby en 96. Scott Mellenby? Scott Mellenby, on remonte loin. Ah, oh, ouais, ça fait longtemps. Ben, écoute, la tradition, là, je reviens un petit peu rapidement là-dessus. C'est Scott Mellenby, début de saison, avait tué, je pense que c'était lors du ce qu'on appelle le home opener, là, le premier match de la saison, tout simplement, l'ouverture de la saison. Il y avait un rat dans le vieux Miami Arena. Réussi à le tuer avec son bâton, avec ce même bâton contre 2 buts dans ce match-là, les Panthers avaient apporté. C'était sorti dans les médias et après ça, on s'était mis à lancer des rats en plastique sur la patinoire après chaque but des Panthers, après chaque victoire surtout. On va essayer de revenir un petit peu là, en Floride. C'est probablement une des traditions les plus bizarres avec le lancer de la pieuvre à Détroit qui est assez fantastique. C'est assez dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse, écoute, tu sais. Ça fait parler. Je pense que la Ligue nationale n'est pas en manque de publicité. La preuve, c'est que c'est la Ligue nationale eux-mêmes qui vendent des rats en plastique dans le stade. Ah ouais, 5$ l'unité. Ça se donne pas. Je pense que du côté des gens de Miami, on est peut-être mieux d'aller magasiner. Je suis pas sûr qu'on peut avoir des meilleurs prix sur le rat en plastique la douzaine. Non, mais c'est ça. Et bon... Certains joueurs, écoute, je vous lis une citation de Martin Brodeur à ce propos. Si on regarde la réaction de certains joueurs des Panthers, ils ne font que hocher la tête. Lui-même, il dit, bon, c'est correct, c'est mais à chaque fois, c'est le fait. Ça me dérangeait même les joueurs des Panthers. Imaginez les joueurs des Devils, c'est que après chaque but, on va en lancer. Donc, à un moment donné, ça ralentit le jeu. Ouais, ça crée un momentum. Ça écrase le momentum un peu. Donc, il rajoute même lui-même, il dit, mais que la NHL leur permet, en parlant des Panthers, que la NHL leur permet de distribuer des gars, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Bon, il parlait de distribuer. Par contre, c'est pas distribué, c'est incarcinité. C'est pas donné, hein? C'est pas donné. Ça vient cher du gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, tout à fait. Puis en même temps... Puis en même temps, écoute, c'est un joueur, puis écoute, je suis un partisan, mais veux pas, tu me donnes un rat dans les mains, je vais essayer de te viser, là. Ben oui. T'sais. Non, mais tu sais, c'est sûr que les gars en reçoivent, là. Voilà, ben à l'époque, écoute, je pense qu'il y a des vidéos que tu peux aller voir à l'époque en 96. Les Panthers étaient rendus en finale de la Coupe Stanley contre l'Avalanche du Colorado. Patrick Roy forcé de se cacher dans son filet pour éviter les rats. Puis à l'époque, on avait la brigade... la brigade de la vermine, on peut utiliser ça comme ça. Oh, ouais, c'est beau, c'est cute. la brigade de la vermine là, qui sautait sur la patinoire, bon, qui il y avait un chronomètre qui apparaissait, voir en combien de temps on pouvait ramasser ça. C'est comme je dis, pour une équipe de hockey, pour des joueurs de hockey, on a besoin d'un rythme, d'établir un rythme au long d'un match. Et bon, lorsque tu comptes un but, tu veux continuer sur ce momentum-là. Le fait qu'on arrête pendant 2-3 minutes, c'est ce qui vient tuer le momentum. Donc, c'est pas nécessairement l'avantage de Miami, l'avantage des Panthers, mais quand même, le Fight Club de la Ligue nationale qui est de retour là, dans cette série-là. Et autre série là, qui a fait couler beaucoup d'encre, Philadelphie contre Pittsburgh. C'était une série qui a été remportée hier par les Flyers de Philadelphie. Ouais, Pittsburgh, donc, vas-y. Pittsburgh sont en vacances. Ah, Pittsburgh sont en vacances. Et bon. C'est non sans avoir vendu chèrement leur âme, chèrement leur peau. Quand même, ce match-là, cette série-là a été à la limite. Mais bon, il y a des matchs. Le premier match, c'était terminé 4-3 en faveur de Philadelphie. Hier, c'était 4-2 en fin de match. On a tout tenté. Le match 5, c'est Pittsburgh qui l'avait remporté 3-2. Donc, c'était une série âprement disputée, mais une série qui était extrêmement violente. On en a parlé beaucoup, bon, du côté des... Non seulement violente physiquement, mais verbalement. On a vu certains coups de James Neal qui était suspendu un match. On s'est attaqué au Claude Giroux, au Sean Couturier dans cette série-là. Bon, du côté de Philadelphie, je pense qu'on est très heureux. On a réussi, on est parvenu du côté de Philadelphie à rentrer dans la tête, si on peut dire, des Penguins de Pittsburgh. Je pense qu'on a réussi à faire aux Penguins de Pittsburgh ce qu'on avait besoin de leur faire, c'est-à-dire jouer physiquement et probablement oublier le jeu de finesse, oublier le jeu qui fait leur succès, bref, pour plutôt remplacer ça par un jeu physique, mais un jeu qui n'est pas nécessairement à leur avantage. Et bon, on voit c'est quoi le résultat. Ça s'est terminé 4-2 en faveur des Flyers de Philadelphie qui vont passer à la prochaine ronde. Je l'avais dit, l'équipe qui allait remporter cette série-là avait de très bonnes chances de se rendre jusqu'à la finale. Je pense que c'était parmi mon choix. Moi, j'avais dit Pittsburgh en 7. Écoute, Philadelphie m'ont surpris, mais je m'attendais pas à ce que Pittsburgh tombe dans le piège, bon, d'entrer dans ce jeu physique-là comme je parlais, puis un petit peu être sorti de leur game, comme on dit. Donc, je m'attends à ce que Philadelphie fasse un bon bout de chemin en série éliminatoire. Particulièrement si les Rangers de New York sont éliminés au premier tour. Puis Boston, c'est pas encore fait. Là. Et honnêtement, messieurs, là, dans l'Est, là, on pourrait voir les équipes seulement, admettons, là, ça continue comme on est présentement, l'équipe 3 qui a été classée 3, 5, 7 et 8 atteint le deuxième rang des séries. Donc, ça me rappelle là, il y a quelques années où est-ce que les équipes 1, 2, 3 et 5 avaient été éliminées. Une année où les Canadiens de Montréal avaient sorti les Bruins de Boston. Une de ces fameuses années-là où le Canadien a éliminé les Bruins de Boston. Et dans d'autres séries, bon ben Nashville qui l'a emporté, belle 4-1 contre Détroit. Je pense qu'on voit un peu là, la garde changer du côté des équipes puissantes de Ligue nationale. Détroit là, surtout en première ronde. Nashville, ben c'est une belle histoire du côté de Nashville. On est au bout d'un cycle du côté de Nashville. On perd probablement chez Weber à la fin de la saison et Ryan Suter, donc deux joueurs très importants. En ayant ces succès-là en série éliminatoire et la troupe de Carrie Underwood, Mike Fisher, mais je sais pas si vous savez, Carrie Underwood, la chanteuse qui est tout le temps là au match et Et même dès que les Nashville comptent un but, on monte son visage. Donc c'est un peu méchant à dire, mais c'est un peu la mascotte de l'équipe, si on veut. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Mike Fisher, le joueur de centre des Predators de Nashville, qui est marié avec la chanteuse Caroline, ma copine qui me fait signe de oui avec la tête. Donc elle est mariée avec Mike Fisher. C'est un beau succès de côté de Nashville. C'est fun de voir que le hockey marche bien à Nashville. Ouais, ouais. On pense souvent des... C'est surprenant. Des marchés qui sont un petit peu plus difficiles, les marchés du Sud qui ont de la difficulté à attirer des gens. Du côté de Nashville, c'est un beau succès. Là. Ils appellent ça Smashville, même, une grosse bannière là, qui est placée sur l'aréna là-bas. Donc, un beau succès. Mais une équipe qui surprend, là, c'est les Coyotes de Phoenix là, qui vont tenter de remporter, je vous dirais, c'est ce soir, oui, ce soir, vont tenter de remporter la série qui les oppose aux Blackhawks de Chicago. Dans cette série-là, messieurs, tous les matchs ont été en prolongation. Ah ouais? Moi, j'ai pas de souvenir personnellement là, d'une série qui a été jusqu'à la limite comme ça. Donc, qui a été en série, mais écoutez, en prolongation, c'est pas facile à faire. Donc, ce soir, sixième match du côté de Chicago, du côté du United Center. Ça va être personnellement le match à suivre ce soir. On va voir si ça va se terminer en prolongation encore une fois. Les Rangers qui tentent de survivre contre Ottawa. Et mardi, Floride contre New Jersey. Mercredi, Washington contre Boston. Cette série-là se poursuit. Pas le mercredi, je suppose, pour les deux équipes. OK. Et je vous dirais, messieurs, ce qui est intéressant à voir... Bon, je vous parlais de parité tantôt. Ouais. Ce qui est intéressant à voir, là, c'est... Quand on regarde ça, bon, je reviens un peu à la situation du Canadien de Montréal. On va en parler brièvement. Les Canadiens ne sont pas en série. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'avec toute cette parité-là, avec les performances qu'on voit, bon, que l'équipe 1 contre l'équipe 8, il n'y a jamais personne qui s'assurait de gagner. Ça veut dire que le Canadien, là, malgré une très mauvaise saison, attendez-vous à les voir venir l'an prochain. Je serais pas étonné qu'on participe probablement aux séries éliminatoires. Avec un nouveau coach, Gomez, qui sera pas là. Ah ouais, Gomez sera bon. Voilà, nouveau coach, c'est pas fait encore. On n'a pas annoncé personne. Les gens aimeraient bien voir Patrick Roy. Je suis pas certain que ça va être la décision. Ouais, je sais pas, hein. Hein? Je sais pas non plus. Moi non plus, on dirait que... J'ai mes doutes. J'ai l'impression, on a fait à peu près... Je pense que du côté de Canada, on fait bien les choses. On fait le tour de la Ligue nationale. On regarde tous les candidats. On a même parlé à des gens qu'on s'attendait pas du tout à ce avec qui on parle. On fait le tour. Ils font leur devoir, là. Je pense que oui, on fait leur devoir. On s'est trompé nécessairement, mais on a laissé une situation dégénérer la saison dernière. Puis là, je pense qu'on va vouloir repartir sur des bases solides la saison prochaine. Donc, regardez ça, les Canadiens. Les partisans des Canadiens, ne soyez pas trop tristes, ne soyez pas inquiets. Là, la descente aux enfers, ça ne devrait pas se poursuivre maintenant est-ce qu'on monte l'an prochain. Puis je m'attends à ce que, justement, comme je dis, toutes les équipes peuvent compétitionner dans la Ligue nationale. Ça risque d'être le cas là, du Canadien la saison prochaine. Eh hey, messieurs, on passe du côté de la Ligue nationale à la Ligue hockey junior majeure du Québec. Grosse déception aussi en Mauricie. Là. Ah, ben regardez, on va revenir rapidement là, sur l'élimination des Cataractes de Shawinigan mardi dernier. Toute une surprise. Comment? Toute une surprise. Ben, toute une surprise, mais... En même temps, faut pas oublier le fait que Chicoutimi, c'est probablement la troisième meilleure équipe de la Ligue, ne représentait pas ça au classement général, parce qu'on connaît un début de saison plutôt affreux moyen, disons-le. On se souvient, là, j'avais compté ce qui était arrivé un peu là avec Guy Carbonneau, bon, qui va quitter l'organisation, c'est-à-dire qu'on s'en va en appel d'offres. Le club à Chicoutimi appartient à la ville, et on s'en va en appel d'offres à la fin de la saison pour avoir un nouvel administrateur du club. Et le club de la gang de Carbon a fait bon ben si c'est ça, nous autres on va aller chercher des gros joueurs, on va se pacter un club en ayant en tête qu'on va jouer à la ringuette l'an prochain, hein. On n'a pas un gros club du côté de Chicoutimi, on a vraiment tout vendu. Dans les prochaines années, ça va être un petit peu plus difficile. Mais on dit, si on est pour s'en aller, on va s'en aller la tête haute. Et je peux vous dire qu'ils vont passer la tête très haute parce qu'ils viennent de sortir, ils viennent d'éliminer une des équipes favorites pour remporter la Coupe du Président, les autres de la Coupe Memorial. Comme tu dis, il faut très grosse déception là, du côté de Shawinigan. Je pense que on l'a de travers dans la gorge. Là, ah ouais, mais... Mais puis écoute, je pense que ça augure peut-être moins bien qu'on pense. Ben en fait, dans la tête des gens là, pour la Coupe Memorial, justement. Là. Ben, j'en ai parlé. On a fait des grosses acquisitions du côté de Shawinigan, Brendan Gormley, Morgan Ellis, entre autres. On a mis les pièces du gâteau, les pièces du casse-tête à la bonne place. Mais je pense qu'en bout de ligne, le comme on dit, t'as beau avoir les bons ingrédients pour faire une recette. Si ça lève pas, si tu n'oses pas faire vivre ce gâteau-là, c'est un peu ça qui est arrivé. Bon, comme je dis, je suis coutumé, c'est une bonne équipe. On n'a pas perdu contre des deux picks du côté de Shawinigan, mais c'est une déception très amère. On est dans une série de déceptions pour la ville de Shawinigan. Après, bon, ce qui s'est passé du côté du reportage d'enquête à Radio-Canada, où est-ce qu'on a... On s'est attaqué un peu à la gestion du centre Bienness avec des bons à tort ou avec raison. Je pense que du côté de Radio-Canada, on n'a peut-être pas fait notre tâche au complet là, sur ce sujet-là. Il manquait peut-être certaines choses qui ont été révélées par rapport à ça. Le maire Angers qui a répondu par la bouche de ses canons, si on peut dire. Pareil pour le propriétaire, un des propriétaires du club, Martin Mondou. Donc, je pense que là, la décision qui était dans l'air, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'entraîneur-chef Éric Veilleux. Son poste est en jeu, disons-le, après une élimination si rapide que ça au deuxième tour des séries éliminatoires. Premièrement, c'est beaucoup d'argent là, qui est perdu. On s'entend que ça allait être des matchs à capacité pour le reste des séries éliminatoires. C'est tombé à l'eau. Il reste la Coupe Memorial, bien évidemment. Donc, les Canadiens de Shawinigan devraient convoquer un point de presse aujourd'hui pour faire le point. Mais attendez-vous à ce que Éric Veilleux obtienne un vote de confiance du côté de Jodoro. On ne le remplacera pas, malgré les rumeurs qui amenaient, entre autres, Michel Therrien derrière la barre des Cataractes. Je pense qu'on va rester avec Éric Veilleux, puis on va plutôt tenter de se réaligner un peu, d'essayer de travailler différemment. Je pense que quand tu as un mois de pause, un mois d'arrêt, tu te dois de travailler différemment puis de motiver tes joueurs d'une façon qui peut faire que, comment dire, un peu comme un boxeur. On va y aller de la façon de faire comme un boxeur, c'est-à-dire un boxeur va s'entraîner jusqu'au jour de son combat. Je pense que du côté des Qataris, il va pouvoir y aller un petit peu avec la même philosophie, c'est-à-dire on travaille sur l'entraînement, on met les bouchées doubles dans les pratiques au gymnase pour arriver à la Coupe Memorial. C'est 4 matchs à Coupe Memorial environ pour une équipe. Donc, d'arriver là et d'avoir une performance qui est digne de mention. Écoutez, sauver l'affaire, c'est qui sait là, amener la Coupe Memorial à Shawinigan, parce que, bon, du côté des Cataractes, ça fait quoi? Ça fait 42 ans là, qu'on est dans la Ligue, si je ne me trompe pas, toujours pas de Coupe du Président. Depuis avec 2009 et maintenant 2012, c'est deux échecs là, du côté des Cataractes. D'accord. Et vraiment, là, c'est ça. Donc, suivez ça. Ça devrait être aujourd'hui. Là, la nouvelle devrait sortir. On va probablement aller du côté de. Ça va être. Regardez ça du côté de Shawinigan. Ça devrait être sur les hebdos régionaux là, de la Mauricie, là, du côté de nos sites. Mon collègue Jonathan Roberge devrait s'occuper de ça. Ailleurs, dans la Ligue, 2-0 pour Saint-Jean, contre Chicoutimi. Vous voulez savoir qui est favori pour remporter la Coupe Memorial? Ben, c'est sans aucun doute les Sea Dogs de Saint-Jean amenés à 2-0 dans cette série-là. Déjà contre Chicoutimi, ben, ça prouve un peu à quel point ils sont mieux rodés que les Cataractes. Ont pas échappé de match, ont pas fait d'erreur contre les Saguenayens, ce qui fait qu'ils ont remporté quand même des victoires de 4-1 et 5-2 aussi. On n'a pas rien laissé au hasard. C'est pas des victoires qui sont serrées, c'est pas des matchs qui ont été en prolongation. Donc, du côté de Saint-Jean, là, si vous voulez voir une équipe qui est solide sur ses patins, ben les Sea Dogs, attendez-vous à les voir aller jusqu'au bout. Là. Personnellement, là, avec, bon, il reste les Saguenayens, il reste l'Océanique de Rimouski et les Moussettes d'Halifax en séries éliminatoires. Donc, c'est les équipes, c'est l'équipe 1 et les équipes 5, 6, 6, 7, si je me trompe pas, ou plutôt 6, 7 et 8. J'ai pas le classement devant moi, là. Donc, attendez-vous, là, ça va être la partie va être plutôt facile du côté des Sea Dogs, jusqu'au bout. Et dans l'autre série, l'Océanique de Rimouski qui mène 2-1 contre les Moussettes d'Halifax. C'est bien parti. Par contre, c'était plus serré là, lors du deuxième match. C'est terminé 5-4 en faveur de Rimouski. Donc, attendez-vous à ça là, pour le hockey junior majeur. Hier, autre hockey. je reviens rapidement, le Caron Aigué qui est éliminé cette fin de semaine à Central Mines. J'y étais, je peux vous dire que c'est pas nécessairement agréable sur les routes samedi soir. Hein, les pneus d'été, il me semble que ouais, c'est sûr, semaine, là. Matin aussi. Là, ah ouais, c'est faut y aller mollo. Hein, on il semble que ce matin il neige. Là, la fenêtre elle avait moins de neige, pluie, c'est un joyeux mix de c'est pas vraiment agréable, hein, comme on dit. Défaite de 8-2 pour le Caron Aigué à Tetford Mines, ce qui sonne la fin de la saison quand même, là, on s'est battu. Honnêtement, je pense que c'était pas une équipe qui était la plus talentueuse sur ses patins dans la ligue. Mais on avait bien travaillé, on avait un système défensif là, qui était solide, sauf que à partir du moment où on arrive en série éliminatoire puis tout le monde augmente son niveau de jeu, ça a été un petit peu trop pour le Caron Aigué, bon, qui a pas réussi à pousser ça à 7 matchs, au 7e match de la série éliminatoire qui sont éliminés 8-2. Dans l'autre série, le Wild de Windsor a surpris tout le monde en éliminant les Marquis du Saguenay en 6 matchs. Donc, grosse surprise, on s'attendait pas à ça du côté de la ligue. Le Wild de Windsor qui, en plus, va déménager, ça va pas très bien. Pour le Wild, donc c'est une grosse surprise dans la ligue. Les joueurs retroussés les manches et le résultat est là. Donc et c'est pas mal ça, monsieur, là, pour le reste. Je vous laisse là en vous disant allez voir une petite vidéo qui tourne sur internet, allez voir sur vous vous souvenez peut-être de Ron Artest? Non. Meta World Peace. Ouais, Meta World Peace, ouais. Exactement, Mathieu. Wow, félicitations. Quand même, hein? Ron Artest, pour ceux qui ne connaissent pas Ron Artest, joueur de basketball, c'est lui qui était qui avait sauté dans les gradins il y a quelques années pour aller se battre avec des spectateurs alors qu'il évoluait, je pense, pour les j'ai goût de dire les Pistons de Détroit, mais je suis pas certain, là, du moins, évoluait pour Pistons de Détroit ou les... Non, c'était à Détroit, plutôt, évoluait, je pense, pour les Pacers d'Indiana. Donc, a changé son nom, ça s'appelle maintenant Meta World Peace, qui veut dire amour bienveillant et bon, World Peace, paix sur le monde. Hier, ben, Meta, ça nous donnait qu'un jouet lors d'un match, lui qui évolue maintenant pour les Lakers de Los Angeles, a frappé plutôt durement un autre joueur avec son coude. Ben oui. Attendez-vous peut-être à le voir être suspendu. Bon, a des antécédents, puisque, comme je dis, il s'était battu, là, avait été suspendu, je pense, pour le reste de la saison. Donc, Meta World Peace qui porte mal son nom ce matin, malheureusement. Donc, amour fraternel prend le bord un peu pas mal avec Meta. Et voilà, monsieur, il est 9h, je respecte mon temps. Ouais, merci. Merci beaucoup, Nicolas Charme. Écoute, en finissant, parce que c'est ta dernière chronique, je t'ai préparé un petit poème. Écoute, rien de spectaculaire, rassure-toi. Écoute, ça va comme suit. Nicolas Ducharme, avec sa chronique Ducharme et du sport, a mis effort. Journaliste à l'écho, il n'est pas juste beau. Mais a aussi fait des prédictions qui sont tombées à l'eau. Lâche pas, Nicolas, tu l'as. Ah, wow. C'est fait avec amour. Là. Ah, un vrai Cyrano de Bergerac ce matin. Pas sûr, mais en tout cas. Hey, merci beaucoup, pour vrai. Écoute, on va s'ennuyer. Oui, bon été. Mec. On se revoit cet automne. Ben oui, certainement. Je vais prendre une petite pause durant la période d'été. On va profiter des vacances. C'est bien mérité. Puis il n'y en a pas de sport l'été, pareil. Les aigles vont commencer leur saison bientôt. Donc, ceux qui aiment le baseball, très intéressant à Trois-Rivières. Puis sinon, le FC Trois-Rivières qui a aussi débuté sa saison la semaine dernière. Donc, les amateurs de soccer, ça va être à suivre. Et il y a d'autres grosses nouvelles, je pense, qui s'en viennent dans le monde du baseball à Trois-Rivières. Et dans le monde du sport, devrais-je dire, à Trois-Rivières. Suivez ça, ça va être intéressant. Hey, tu es un joueur de balle-molle, toi? Un peu. Ouais? C'était très bon. Comment? Cet été avec moi, je t'appelle tantôt. Ah, appelle-moi, ouais, ça peut m'intéresser. Parfait. Good. Merci. Merci, Nick, bon été. Mais on s'attend que la balle molle, c'est pas vraiment un sport, là. C'est un sport. Fallait bien que... Pour citer les Simpsons, on connaît tous les règles de la balle molle, là. T'arrives au premier but, tu bois une bière, la quatrième manche, tu la manges de la bière, bon, etc. Ah, écoute, ça ressemble à ça, là. honnêtement, c'est un épisode des Simpsons qui est savoureux, qui est vraiment excellent, là, celui du baseball. Je pense que dans tous les épisodes que les Simpsons ont fait, ça peut être celui, je pense. C'était à l'époque avant où on se met à faire du fantastique, puis on essaie seulement de plugger des artistes, puis tout ça. Je pense que l'épisode de la balle molle, c'est un de mes préférés. Bon. Fantastique. Hey, merci, Nick. Fait que, écoute, je t'appelle tantôt. Oui. C'est bon. Puis on te lit dans l'écho de Trois-Rivières. Merci, Nick. Yes. Merci, boy. Merci. C'est Nicolas Ducharme de l'écho de Trois-Rivières en direct ici à Assemblage Hockey pour sa chronique du charme et du sport. Fantastique. Écoute, pour nous, on se dit déjà à demain. C'est à peu près là qu'on se dit ça. C'est triste. Le dernier lundi est fini. Mais oui. On pleurait bien, mais déjà assez d'eau à terre. Hein? Ah ouais, ça. Un petit peu trop, là. Retrouvez-nous demain entre 7h et 9h pour une autre édition d'Assemblage requis. Et demain à l'émission, on aura Stéphanie Gagné, sa collègue Ton plat favori, vers les 7h30. On aura aussi Sébastien Dulude et son éditorial Va voyager, j'y suis. En fin d'émission à 8h30. Restez sur nos ondes, restez à l'écoute pour l'émission Le Dîner de Con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, je serai de retour à l'animation des Palmarès et Fous en compagnie de DJ Catardi et Justine Renaud. À 16h, les Ladies du Boudoir et puis le reste de la programmation. Je pense qu'il ne reste plus grand-chose, hein, pour vrai. Le Boudoir, je ne suis pas sûr qu'ils sont là. C'était la fin de la session hier. C'est une excellente question, c'est ça, mais je sais pas, il y en a qui poursuivent, il y en a qui poursuivent. Ouais, c'est ça, mais on leur donne une petite porte de sortie en leur disant que la programmation finit le 22, mais bon, ça c'est un autre sujet. On se quitte avec Planétarium de Robopop et puis passe une excellente journée mouillée. OK? Oui, on n'a pas le choix. Ben, c'est demain. On se met un petit impair, là, puis on peut quand même sortir dehors. Ah oui, il y en a qui courent en maillot de bain dehors aussi, son amant. C'est pas assez chaud pour ça. J'en ai pas vu, hein. Avec un cornet dans les mains. Le monde est fou. Sans histoire, parce que la destination est la souffrance et le deuil. Le train est plus rapide que l'œil. Wagon fantôme prend de la vitesse, chantant au loin un cri de détresse. En quelques secondes je vieillis d'un million d'années. Si je me trompe de station, je crois que ma tête va exploser. Le froid de l'automne, tomber les feuilles dans la moréthone. La nuit nous lance un ultimatum. Viens me rejoindre au planétarium. Tu peux voir mourir les étoiles. Tu peux voir mourir les étoiles. Tu peux voir mourir les étoiles. Tu peux voir mourir les étoiles. Viens me rejoindre au planète.